Sur nous est reconnaissance. Chante en ce jour solennel. Enfant dans tes bras, il vient aussi. revêtu, l'enfant dans tes bras. Enseignera les sages, Marie sa vêtu, l'enfant dans tes bras. Murmura les orages, sa vêtu, l'enfant dans tes bras. Et connu dans les cieux, lorsque tu caresses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Savais-tu l'enfant dans tes bras et Dieu de la création? Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras régnera sur les nations? Savais-tu l'enfant dans tes bras, il existe tous les temps, le bébé que tu as. Le grand Dieu tout-puissant. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons.